copine, c'est juste hallucinant. Tout le monde a une copine, c'est juste hallucinant. Alors il faudrait peut-être que j'en trouve une aussi, que ce soit à Metz ou bien même dans d'autres pays. Mais le problème c'est qu'on peut leur raconter que je suis toxique, et faut surtout pas qu'elle le découvre, sinon je resterai célibataire. Oui, donc tout le monde a une copine, c'est juste hallucinant. Tout le monde a une copine, c'est juste hallucinant. Trouver une fille fan de punk rock comme moi, et de Johnny comme moi, de Dorothée comme moi, de black metal comme moi, qui aime les pattes comme moi, et bien barrée comme moi, oui mais pas trop comme moi, intelligente comme moi, et borderline. Non, oui donc. Tout le monde a une copine, c'est juste hallucinant. Tout le monde a une copine, c'est juste hallucinant. Le problème principal pour trouver une copine, c'est que je n'aime pas les femmes et les hommes non plus. Je déteste les gens et tout ce qui y ressemble. Je hais la planète Terre, la vie, le monde et ma famille. Oui, donc oui, tout le monde a une copine, c'est juste hallucinant. Tout le monde a une copine, c'est juste hallucinant. Tout le monde a une copine, c'est juste hallucinant. Tout le monde a une copine, c'est juste hallucinant. Merci.